إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous avons vu dans le cours d'hier que le jeûne du mois de Ramadan est un des piliers de l'islam et que le jeûne est une obligation à l'unanimité des musulmans. Toutefois, nous devons savoir que les gens ne sont pas tous semblables face à cette obligation, mais ils sont de différentes catégories. Il y a des gens pour qui le jeûne est obligatoire et d'autres qui ont la permission de ne pas jeûner. Certains parmi eux sont dans l'obligation de rattraper chaque jour manqué et d'autres doivent donner une compensation et ainsi de suite. On va donc voir dans le cours d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, quelles sont les conditions rendant le jeûne du mois de Ramadan obligatoire et quelles sont les excuses permettant à la personne de rompre, c'est-à-dire de ne pas jeûner. Et qu'est-ce qui incombe à chaque catégorie de personnes selon sa situation. Donc tout d'abord, les gens de science ont mentionné que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation pour toute personne remplissant les 6 conditions suivantes. La première est l'islam, la deuxième est la puberté, la troisième est la raison, la quatrième est la capacité, la cinquième est la résidence, et la sixième est l'absence d'empêchement. Donc toute personne qui remplit ces 6 conditions, le jeûne est alors obligatoire pour elle. On va voir, inshallah ta'ala, chacune de ces conditions de manière détaillée. La première condition est l'islam, c'est-à-dire que le jeûne n'est pas obligatoire pour le mécréant. Et s'il jeûne, ceci n'est pas accepté de lui, car le jeûne est une adoration et l'islam est une des conditions d'acceptation des œuvres. Donc l'adoration accomplie par le mécréant, elle n'est pas valide et elle n'est pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que si un mécréant entre en islam, il ne lui incombe pas de rattraper les jours passés ou les mois de Ramadan précédents. Et il y a ici une question très importante à connaître. C'est le cas du mécréant qui entre en islam pendant une journée du mois de Ramadan. Que doit-il faire dans cette situation? Étant donné qu'il ne jeûnait pas en début de journée, peut-il continuer ainsi jusqu'au soir et commencer à jeûner le lendemain? Ou bien doit-il jeûner le restant de la journée? La réponse est qu'à ce moment, au moment de son entrée en islam, le jeûne devient une obligation pour lui. Il lui incombe donc de s'abstenir et de jeûner le restant de cette journée. Car il fait maintenant partie des musulmans, le jeûne devient donc une obligation pour lui. Mais comme il n'a pas jeûné en début de journée, certains pourraient se dire qu'il doit le rattraper ce jour. Et la réponse est qu'il ne lui est pas demandé de rattraper ce jour. Car il ne faisait pas partie des gens pour qui le jeûne était obligatoire en début de journée. Donc il doit terminer cette journée en jeûnant et il ne rattrape pas ce jour, ni les jours précédents. Puis il continuait de jeûner durant les autres jours du mois de Ramadan. Ceci est donc la première condition du jeûne qui est l'islam. La deuxième condition est la puberté. Le jeûne n'est donc pas une obligation pour l'enfant tant qu'il n'est pas pubère. Et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plume est levée pour 3. Puis il a mentionné 3 catégories de personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Et ce hadith est rapporté par Ahmad et Abu Dawud et Al-Albani l'a authentifié. Rahimahumullah ta'ala. Toutefois, il faut savoir que bien que le jeûne ne soit pas une obligation pour l'enfant impubère, si celui-ci a atteint l'âge du discernement, qui est généralement aux alentours de ses 7 ans, l'âge où on lui ordonne de commencer la prière. À partir de cet âge-là, s'il jeûne, son jeûne est valide, incha'Allah ta'ala. Il incombe donc à ses parents ou à ses tuteurs de lui ordonner de jeûner. Et ce, à partir du moment où il supporte le jeûne et qu'il n'y a pas de nuisance réelle sur sa santé. Et il est très important de l'habituer et de l'entraîner à jeûner, afin que cette adoration immense, elle soit simple pour lui au moment où il va devenir pubère. Car lorsqu'il sera pubère, le jeûne sera une obligation pour lui. Et nous avons en cela pour modèle nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. En effet, il est rapporté des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qu'ils faisaient jeûner leurs enfants alors qu'ils étaient petits. Et lorsque les enfants pleuraient, qu'ils pleuraient à cause de la faim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils leur donnaient à manger? Est-ce qu'ils leur disaient d'arrêter de jeûner? Ils leur donnaient des jouets de laine afin de les distraire et de les aider à patienter. Et nombre de parents font preuve d'une certaine insouciance à ce sujet. Ou alors, ils sont négligents. Certains n'ordonnent pas aux enfants de jeûner, sous prétexte qu'ils sont encore petits et que ce n'est pas une obligation. Et pire encore, il y en a même qui vont jusqu'à interdire le jeûne à leurs enfants, alors que leurs enfants en ont les capacités et que leurs enfants veulent jeûner. Et ces parents, il n'y a pas de doute qu'ils pensent ainsi être bienfaisants envers leurs enfants. Mais en réalité, si tu regardes la situation d'un œil objectif, la bienfaisance envers tes enfants, elle consiste en quoi? La bienfaisance envers eux, c'est de leur donner une éducation religieuse et de les habituer à la mise en pratique de leur religion. Et ceci fait partie des devoirs les plus importants qui incombent aux parents vis-à-vis de leurs enfants, de leur donner une éducation conforme aux enseignements de l'islam. Et entre dans cela le fait de les habituer à jeûner, et ce durant leur enfance. Et si tu négliges cet ordre, que tu n'habitues pas tes enfants à jeûner, alors sache que tu te rends coupable d'une injustice envers tes enfants et d'une injustice envers ta propre personne en ayant manqué à ce devoir religieux. Bien sûr, ici, on ne parle pas des cas particuliers. Il y a des cas particuliers dans lesquels il est possible que le jeûne soit vraiment nuisible pour l'enfant. De la même manière que le jeûne peut être nuisible pour un adulte dans certains cas. Mais on parle ici d'un point de vue général, qui est que l'enfant est en mesure de supporter le jeûne dès l'âge de 7 ans. Et ce n'est pas une condition qu'il jeûne tous les jours. Tu peux le faire par exemple, jeûner un jour sur deux, un jour sur trois, chaque enfant en fonction de ses capacités. L'essentiel est que tu l'habitues au jeûne, et ce pour que le jeûne lui soit facilité au moment où il sera pubère. Car la puberté, il faut savoir qu'elle peut venir beaucoup plus tôt que tu ne le penses. En effet, il y a des enfants qui sont pubères dès l'âge de 9 ou 10 ans par exemple, et ceci n'est pas quelque chose de rare ni quelque chose d'exceptionnel. Et si l'enfant est pubère, le jeûne est alors une obligation pour lui, et il devra jeûner le mois en entier. C'est pour ça que tu dois l'habituer à ce moment. Et il est important ici de rappeler comment l'enfant devient-il pubère, car ceci également est ignoré par nombre de parents. Il y a beaucoup de parents qui pensent que l'enfant ne devient pubère qu'à 15 ans, ou d'autres qui pensent que la fille ne peut devenir pubère que par l'apparition des menstrues et ainsi de suite. Mais en réalité, l'enfant devient pubère par une seule des choses suivantes que l'on va citer. Ce n'est pas une condition qu'elles soient toutes réunies, mais une seule de ces choses suffit. La première chose, c'est la sortie du liquide séminal, suite à un rêve ou d'une autre manière. La deuxième chose, le deuxième signe de la puberté, c'est l'apparition de la pilosité pubienne, c'est-à-dire autour des parties intimes. Et la troisième chose, qui est dans le cas où aucun des signes précédents n'apparaît, alors, à l'âge de 15 ans, il devient automatiquement pubère. Et comme on a dit, une seule de ces choses suffit pour que l'enfant devienne pubère, que ce soit un garçon ou une fille. Et concernant la fille, il y a bien sûr une quatrième chose par laquelle il est possible qu'elle devienne pubère. Et cette quatrième chose est l'apparition des menstrues. Donc dès l'apparition d'un seul de ces signes, l'enfant devient pubère. Le jeûne, ainsi que toutes les autres prescriptions religieuses, deviennent obligatoires pour lui, même s'il n'a que 9 ou 10 ans. On voit donc à travers cela, premièrement, l'importance d'habituer l'enfant à jeûner, et ce dès son plus jeune âge. Car comme vous venez de l'entendre, la puberté, elle peut venir bien plus tôt que beaucoup de parents le pensent. Ainsi, lorsqu'il jeûne dès l'âge de 7 ans, alors que le jeûne n'est pas obligatoire pour lui, si le jeûne lui est difficile, il sera possible pour lui de faire des pauses durant le mois, et d'alterner entre les jours où il jeûne et les jours où il ne jeûne pas. Et il va ainsi s'habituer petit à petit jusqu'à la puberté. Mais si ses parents ne l'ont pas habitué, et qu'il devient pubère à 9 ans, à 10 ans ou à 11 ans, il devra jeûner du jour au lendemain un mois complet. Et il n'y a pas de doute que ce sera bien plus difficile pour lui, contrairement à celui qui a été habitué. Et la deuxième chose à souligner à ce sujet, c'est qu'il convient aux parents d'enseigner à leurs enfants quels sont les signes de la puberté. Et ce, afin qu'ils puissent savoir le moment où ils deviendront pubères. Et ceci fait partie de l'enseignement obligatoire qui ne doit pas être négligé par les parents. Le père enseigne cela à ses garçons et la mère enseigne cela à ses filles. Et il n'y a pas de gêne à avoir quant au fait d'aborder avec les enfants ces sujets. D'autant plus que cela fait partie des questions qu'il est impératif pour chacun d'entre nous de connaître et auxquelles sont liées nos adorations, comme la prière, la purification ou le jeûne. Donc ces questions, elles ne doivent pas être négligées. Reste ici une question au sujet de cette condition. Si l'enfant devient pubère au cours d'une journée de Ramadan, que doit-il faire? La réponse est que s'il jeûne, alors il continue de jeûner. Et son jeûne est valide, incha'Allah ta'ala. Et s'il ne jeûne pas, il doit alors immédiatement s'abstenir et jeûner ce qu'il reste de cette journée. Car dès qu'il devient pubère, il fait partie de ceux pour qui le jeûne est obligatoire. Il n'a donc plus d'excuses pour ne pas jeûner. Et est-ce qu'il doit rattraper ce jour, étant donné qu'il ne jeûnait pas en début de journée? La réponse est qu'il n'a pas à rattraper ce jour, car il ne faisait pas partie de ceux pour qui le jeûne était obligatoire en début de journée. Ceci est donc la deuxième condition du jeûne, qui est la puberté. La troisième condition est la raison. Le jeûne n'est donc pas obligatoire pour celui qui a perdu la raison. À l'exemple de celui qui souffre de folie, et ce d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que l'on a déjà mentionné. La plume est levée pour trois, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Et ce hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, comme on l'a mentionné précédemment. Et le jeûne de celui qui a perdu la raison, il n'est pas valide. Pourquoi? Car l'absence de raison l'empêche de pouvoir accomplir l'adoration avec une intention. Et comme vous le savez, l'adoration ne peut être valide qu'avec l'intention. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, les œuvres ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. Et si un homme perd la raison de façon irrégulière, c'est-à-dire que parfois il perd la raison et qu'il retrouve la raison à d'autres moments. Dans cette situation, il lui incombe de jeûner lorsqu'il a la raison. Et s'il perd la raison au cours de journée, alors son jeûne n'est pas invalidé, car il a eu l'intention de jeûner lorsqu'il avait la raison. C'est-à-dire s'il a commencé sa journée de jeûne alors qu'il avait la raison, et qu'il perd la raison au cours de journée, alors son jeûne est valide et il est semblable à celui qui s'évanouit à cause d'une maladie ou autre. Dans ce cas donc, son jeûne est valide et il n'a pas à le rattraper. Et s'il retrouve la raison au cours d'une journée de Ramadan, c'est-à-dire qu'il n'avait pas sa raison en début de journée, il doit alors jeûner ce qu'il reste de cette journée. Car en retrouvant la raison, il fait alors partie de ceux pour qui le jeûne est obligatoire. Et il n'a pas à rattraper ce jour, tout comme l'enfant lorsqu'il devient pubère et le mécréant lorsqu'il entre en islam. Et entre sous ce cas de figure la personne âgée qui a perdu son discernement. Le jeûne n'est donc pas obligatoire pour elle, et elle n'a pas de compensation à donner, car elle n'est pas responsable. Elle est semblable à l'enfant avant l'âge du discernement. Donc le jeûne n'est pas obligatoire pour elle, sauf si elle retrouve la raison et le discernement. Dans ce cas, le jeûne devient une obligation pour elle dans les moments où elle a sa raison et son discernement. Et il en est de même en ce qui concerne sa prière. Tout comme pour le jeûne, la prière lui incombe lorsqu'elle a sa raison et son discernement. Et si elle perd sa raison et son discernement, la plume est alors levée et elle est excusée. Ceci est donc la troisième condition, qui est la raison. La quatrième condition est la capacité, c'est-à-dire que celui qui est incapable de jeûner, comme le malade qui ne supporte pas le jeûne, alors le jeûne n'est pas obligatoire pour lui. Mais s'il jeûne, alors son jeûne est valide, incha'Allah ta'ala. Et il y a différents cas de figure en ce qui concerne le malade. Premièrement, si son incapacité est permanente, comme la personne âgée qui n'est plus capable de jeûner, ou celui qui est atteint d'une maladie incurable, dont il n'espère pas être guéri. Alors dans ce cas, le jeûne n'est pas obligatoire pour lui. Par contre, il devra donner à la place du jeûne une compensation qui consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. On parle donc ici de celui qui est dans l'incapacité constante de jeûner. Il va donner une compensation et nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et cette compensation, elle équivaut à un demi-sa'a. Un demi-sa'a d'un des aliments parmi les nourritures du pays. À l'exemple des dattes, du riz, des pâtes, du couscous ou autres aliments parmi les nourritures, et ce, en fonction du pays. Et le sa'a, les savants l'ont estimé d'un poids équivalent environ à 2,5 kg ou 3 kg, et cela varie selon les aliments. Donc si la personne donne pour chaque jour non jeûné 1,5 kg de riz par exemple, elle aura alors donné sa compensation, Inch'Allah ta'ala. Et il a le choix entre cela, le fait de donner un demi-sa' pour chaque jour non jeûné, ou le fait de préparer à manger et d'inviter le nombre de pauvres équivalent au nombre de jours de jeûne à compenser. Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet, quant à la personne âgée qui ne supporte pas le jeûne, alors Anas, radiyallahu anhu, a certes nourri un pauvre pour chaque jour lorsqu'il a vieilli. Il fit cela une ou deux années. Et Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit au sujet des personnes âgées, hommes ou femmes, qui ne peuvent pas jeûner, qu'ils devaient à la place nourrir un pauvre pour chaque jour. Ceci concerne donc ceux qui sont dans l'incapacité permanente de jeûner, qui ne peuvent jeûner ni pendant le Ramadan, ni rattrapé à un autre moment de l'année, que ce soit à cause de la maladie ou à cause de la vieillesse. Et il est important de préciser cela, que cela ne concerne que celui qui est dans l'incapacité permanente de jeûner. Car il y a des gens qui sont malades, mais qui peuvent parfois jeûner un nombre de jours déterminé. Par exemple, lorsque le Ramadan est durant les périodes de forte chaleur, certaines personnes âgées ou certains malades ne sont pas en mesure de jeûner, car le jeûne est plus difficile et les journées sont plus longues. Mais il se peut qu'ils soient en mesure de rattraper ce jeûne durant l'hiver, lorsque les journées sont plus courtes. Donc dans ce cas, la personne, il lui incombe, si elle en a les capacités, de rattraper ses jours manqués, même si elle doit pour cela les éparpiller tout au long de l'année. Mais si elle est dans l'incapacité totale de jeûner, alors elle entre dans ce que l'on vient de mentionner, et alors il lui incombe de nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Et ici, j'attire votre attention concernant un point très important et une erreur fréquente chez beaucoup de gens. C'est que la compensation, comme on a dit, elle ne doit être donnée qu'à un pauvre. Et il y a parfois certaines personnes qui préparent des repas et les donnent à la mosquée, en visant par cela une compensation. Puis viennent manger de ce repas des pauvres et autres que parmi les gens qui ne sont pas pauvres. Et dans ce cas, la compensation, elle ne va pas être valide. Et ce, car comme on a dit, cette compensation est réservée aux pauvres. Donc celui qui donne cette compensation, ou celui qui est chargé de la donner, il doit faire attention à ce point. Et ce, afin que les compensations, elles soient bien valides, inshallah ta'ala, et qu'elles ne soient consommées que par des pauvres. Et également, ceux qui sont conviés à des repas offerts dans les mosquées, ils doivent se renseigner sur la nature de ces repas, et demander dans quel but ce repas était apporté, et ce afin de ne pas manger une nourriture qui ne leur est pas destinée s'ils ne font pas partie des pauvres. Le deuxième cas concerne le malade qui est atteint d'une maladie dont il espère guérir, ou celui dont la maladie ne l'empêche pas toujours de jeûner. C'est-à-dire, comme on a dit, qu'il y a des moments durant l'année où il peut jeûner. Par exemple, il lui est plus facile de jeûner pendant l'hiver, alors il va rattraper ses jours durant l'hiver. Donc ce malade, la permission de rompre ou l'obligation de jeûner va dépendre de sa situation. La première situation est que le jeûne ne soit pas difficile pour lui, et que le jeûne ne lui cause aucune nuisance pour sa santé, comme celui qui souffre d'une légère maladie. Dans ce cas, il est obligatoire pour lui de jeûner, car il n'a aucune excuse lui permettant de rompre. La deuxième situation est que le jeûne soit difficile pour lui, mais qu'il ne lui cause aucune nuisance. C'est-à-dire que c'est difficile à cause de sa maladie de jeûner, mais cela ne va pas aggraver sa maladie ni retarder sa guérison. Dans ce cas, il lui est permis de rompre, d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime que l'on profite des permissions qu'il nous a accordées. Donc celui qui ne jeûne qu'avec difficulté à cause de sa maladie, il est alors détestable pour lui de jeûner. Malgré cela, s'il jeûne, son jeûne est valide, Inch'Allah ta'ala. La troisième situation est que le jeûne lui soit nuisible. Le jeûne aggrave sa maladie. Le jeûne dégrade sa santé. Dans ce cas, il est obligatoire pour lui de rompre. Et le jeûne lui est interdit. Et ce, d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et ne vous tuez pas vous-même, Allah est en vérité miséricordieux envers vous. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Et ne vous mettez pas en péril de vos propres mains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous causez pas du tort et n'en causez pas autrui. Donc si le jeûne est nuisible pour sa santé, d'une nuisance avérée, il ne lui est pas permis de jeûner. Il attend de guérir afin de pouvoir rattraper ses jours manqués. Donc dans les cas où il est permis au malade de ne pas jeûner, une fois guéri de sa maladie, il sera obligatoire pour lui de rattraper les jours de jeûne qu'il a manqués. Et si la personne est atteinte d'une maladie au cours d'une journée de Ramadan et que le jeûne devient difficile pour elle, elle a alors la permission de rompre car elle en cela une excuse. Et si un malade est guéri durant une journée de Ramadan, une journée durant laquelle il ne jeûnait pas en raison de sa maladie, il s'est levé le matin en étant encore malade, il n'a donc pas jeûné. Puis au cours de la journée, Allah subhanahu wa ta'ala le guérit. Donc à ce moment-là, s'il s'abstient de manger et de boire, qu'il commence à jeûner au milieu de journée, alors son jeûne ne sera pas valide. Car le jeûne obligatoire, il commence dès le lever de l'aube. Et il n'est pas valide de commencer un jeûne obligatoire en milieu de journée. Donc la question qui se pose ici, c'est doit-il quand même jeûner le restant de la journée? Les savants ont divergé à ce sujet. Et l'avis le plus juste, incha'Allah ta'ala, est qu'il n'est pas obligé de jeûner le restant de la journée. Car il ne profitera en rien de cette abstention, étant donné qu'il devra tout de même rattraper ce jour. On rapporte d'ailleurs une parole de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, à ce sujet, qui a dit « Quiconque a mangé en début de journée, qu'il mange en sa faim. » C'est-à-dire que celui pour qui il était permis de manger en début de journée, et ce car il avait une excuse, comme la maladie, il lui a alors permis de manger en fin de journée, même si cette excuse n'est plus présente. Et ceci est l'avis des imams Malik et Shafi'i, rahimahum Allahu ta'ala. Toutefois, malgré qu'il ne doit pas jeûner, il ne doit pas manger ou boire devant les gens, car la cause de sa rupture n'est pas une chose apparente. Donc certains, en le voyant boire ou manger, pourraient avoir une mauvaise opinion de lui. Ou pire encore, certains pourraient même le prendre pour modèle en cela, en pensant qu'il est permis de rompre sans excuse. Ceci concerne donc le malade. Et parmi les personnes pouvant être considérées comme n'ayant pas les capacités de jeûner, il y a la femme enceinte et la femme qui allait, et ceux qui avaient peur pour elle-même ou qui avaient peur pour son enfant à cause du jeûne. Il est alors permis pour elles de rompre et de ne pas jeûner. Et ce d'après ce qu'a rapporté Anas al-Ka'bi, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah a dispensé le voyageur de la moitié de la prière et du jeûne. C'est-à-dire que le voyageur, il va effectuer ses prières de 4 unités en 2 unités. Il est donc dispensé de la moitié de la prière et du jeûne, car il lui est permis de ne pas jeûner puis de rattraper. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et il a dispensé la femme enceinte et celle qui allait du jeûne. C'est-à-dire qu'il lui est permis, au même titre que le voyageur, de ne pas jeûner en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, puis de rattraper par la suite. Il est donc permis pour elle de rompre durant le mois de Ramadan. Et quelle que soit la situation, si elle ne jeûne pas par peur pour elle-même, ou qu'elle ne jeûne pas par peur pour son enfant, une fois cette peur dissipée, il ne lui incombe rien d'autre que de rattraper les jours manqués. Et ce selon l'avis prépondérant soutenu par les gens de science. Car aucune preuve ne démontre qu'il lui incombe autre que le rattrapage, comme une compensation ou autre. Ceci concerne donc la 4e condition, qui est la capacité. La 5e condition est la résidence. Il est donc permis pour le voyageur de rompre durant le Ramadan, et le rattrapage est obligatoire pour lui. D'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى صَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ » Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Ainsi que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à celui qui l'a interrogé au sujet du jeûne durant le voyage. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, tu as le choix de jeûner ou de rompre. Donc le voyageur, il a le choix entre le fait de jeûner ou non. Et s'il jeûne, son jeûne est valide et il lui est compté, incha'Allah ta'ala. Et ce d'après le hadith de Anas, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, lorsque nous voyagions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeûneur ne blâmait pas le non-jeûneur. C'est-à-dire que celui qui jeûnait, il ne blâmait pas celui qui avait pris la permission. Et le non-jeûneur, Celui qui avait pris la permission ne blâmait pas le jeûneur. Il y avait donc durant le voyage certains qui jeûnaient et d'autres qui avaient pris la permission. Toutefois, il faut savoir que ceci est à condition que le jeûne ne soit pas difficile pour lui durant le voyage. Car si le jeûne est difficile pour lui, ou que le jeûne est nuisible pour lui, alors dans ce cas, il est préférable ou obligatoire selon la situation qu'il ne jeûne pas, prenant ainsi la permission qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée. De plus, il est rapporté que lors d'un voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme en état de jeûne à qui on faisait de l'ombre. C'est-à-dire que les gens l'avaient mis à l'ombre à cause de la forte chaleur. Et ils étaient réunis autour de lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne fait pas partie de la piété de jeûner lors d'un voyage. Donc si le jeûne est facile pour le voyageur, il est préférable pour lui de jeûner tout en ayant la permission de ne pas jeûner s'il le souhaite. Et si le jeûne lui est difficile, il est alors préférable pour lui de ne pas jeûner et de profiter de la permission. Mais s'il jeûne, son jeûne est tout de même valide, inshallah ta'ala. Reste à savoir quel est le voyage durant lequel il est permis de ne pas jeûner. La réponse est que c'est le voyage durant lequel il est permis de raccourcir la prière. Et certains savants l'ont estimé à une distance d'environ 80 km. Et d'autres ont considéré que cela revient à l'usage dans le pays de la personne. C'est-à-dire que ce qui est considéré comme un voyage dans ton pays, de sorte à ce que les gens raccourcissent leur prière quand ils parcourent cette distance. Alors ceci est un voyage qui permet de rompre le jeûne, et ceci peut varier d'un pays à un autre. Et le voyage qui permet de rompre le jeûne durant le Ramadan, c'est le voyage qui est licite. C'est-à-dire que si la personne voyage en vue de commettre un péché, ou alors qu'elle voyage afin de ruser, et de pouvoir rompre son jeûne. Alors dans ce cas-là, il n'est pas permis pour elle de rompre durant ce voyage. Et si le voyageur rentre de voyage au cours d'une journée de Ramadan qu'il a commencé sans jeûner, il était en voyage le matin, il ne jeûnait pas, puis en milieu d'après-midi par exemple, il arrive à domicile et n'est donc plus en voyage. Est-ce qu'il peut jeûner à ce moment-là? La réponse est qu'il ne lui est pas possible de jeûner. Car comme on l'a dit précédemment, le jeûne obligatoire commence impérativement dès le lever de l'aube, et non pas en milieu de journée. Mais la question qui se pose, c'est, lui incombe-t-il de s'abstenir le restant de la journée? Et la réponse est la même que pour le malade, malade qui guérit en cours de journée. Il ne lui incombe pas de s'abstenir ni de jeûner, car il devra rattraper ce jour quoi qu'il en soit. Toutefois, comme on a dit, il ne doit pas boire ni manger devant les gens, pour les raisons que l'on a mentionnées précédemment. Enfin, la sixième condition est l'absence d'empêchement. Et ceci concerne uniquement les femmes. Car ce qui est visé par l'empêchement, ce sont les menstrues et les louchies. Le jeûne n'est donc pas obligatoire pour les femmes si elles sont en état de menstrues ou de louchies. Et le jeûne leur est même interdit dans cette situation. Et ce, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, n'est-ce pas que lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas? Ceci est sa déficience dans sa religion. Et dans cette situation, le rattrapage est obligatoire pour elle. Et ce, d'après la parole de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, qui a dit, ceci nous arrivait, c'est-à-dire à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on nous ordonnait alors de rattraper le jeûne, mais pas la prière. Et si les menstrues ont lieu durant une journée de Ramadan, alors le jeûne de la femme n'est pas valide ce jour-là. Même si cela arrive et se produit seulement quelques minutes avant le coucher du soleil. Il est donc obligatoire pour elle de rattraper ce jour. Et il est aussi obligatoire pour elle, lorsqu'elle est en état de menstrue, de ne pas s'assimiler au jeûneur, et de boire ne serait-ce qu'une gorgée d'eau dans la journée, car le jeûne est interdit pour elle. Donc si elle s'abstient de manger et de boire, elle se sera assimilée au jeûneur et aura fait comme eux. Elle aura jeûné, transgressant ainsi cet interdit. C'est pour ça qu'il lui convient de boire ne serait-ce qu'une gorgée d'eau durant la journée. Et si elle se purifie durant une journée de Ramadan, alors il n'est pas valide qu'elle jeûne le restant de la journée. Et de la même manière que le voyageur qui rentre de voyage ou le malade qui est guéri en cours de journée, elle n'est pas tenue de s'abstenir et ne lui est pas demandé de jeûner le reste de la journée. Car quoi qu'il en soit, il lui incombera de rattraper ce jour de Ramadan. Et si elle se purifie durant une nuit de Ramadan, ne serait-ce qu'un instant avant l'aube, il est alors obligatoire pour elle de jeûner ce jour-là, car elle n'a plus d'empêchement. L'empêchement a disparu et a été levé. Elle doit donc jeûner même si elle n'accomplit ses grandes ablutions qu'après le lever de l'aube. C'est-à-dire qu'elle se rend compte, par exemple, 10 minutes avant l'heure du fajr, avant le lever de l'aube, qu'elle n'est plus en état de menstruer. Elle peut alors prendre son sahur, puis, après le lever de l'aube, aller faire ses grandes ablutions. Tout comme celui qui se lève en état d'impureté majeure, en état de janaba, et ne fait les grandes ablutions qu'après l'entrée du temps du fajr. Son jeûne est valide dans ce cas, et ce d'après la parole de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, qui a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se réveillait en état d'impureté majeure suite à un rapport intime, puis il jeûnait durant le Ramadan. Et le hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah ta'ala. Ceci concerne donc la sixième condition qui est l'absence d'empêchement et qui concerne, comme on a dit, uniquement les femmes. Donc toute personne qui remplit ces six conditions, l'islam, la puberté, la raison, la capacité, la résidence et l'absence d'empêchement. Toute personne qui remplit ces six conditions, elle devra alors obligatoirement jeûner durant le mois de Ramadan. Et toute personne qui a le droit de rompre, suite à une des excuses que l'on a citées, elle a alors droit de le faire publiquement si son excuse est apparente. Comme par exemple le vieillard qui ne peut plus jeûner. Il n'y a pas de mal à ce qu'il rompe devant les gens. De la même manière, celui qui est malade, qui est hospitalisé par exemple, ou alors le voyageur dans un aéroport. Il n'y a pas de mal à ce qu'ils mangent et boivent publiquement. Mais si la cause de la rupture n'est pas apparente, comme par exemple les menstrues, ou celui qui rentre de voyage, alors ils ne doivent manger et boire qu'à l'abri des regards, afin que personne ne pense d'eux du mal, ou alors que quelqu'un pense qu'il est permis de rompre sans excuse. Et toute personne à qui il incombe le rattrapage, elle devra alors rattraper le nombre égal de jours qu'elle a manqué. Et ce rattrapage, il n'est pas obligatoire de le faire immédiatement après le Ramadan, mais il est possible de le faire jusqu'au mois de Ramadan suivant, c'est-à-dire avant la venue de Ramadan suivant. C'est-à-dire que là, nous sommes dans les derniers jours de permission. Celui à qui il reste des jours, il doit impérativement s'empresser de les rattraper ces jours-ci. Toutefois, il faut savoir qu'il est préférable de s'empresser de rattraper les jours manqués. Car si tu le fais rapidement, premièrement, tu vas te décharger au plus vite de ton obligation. Et il n'y a pas de doute que ceci est plus prudent, inshallah ta'ala. De plus, il se peut que se produise une chose qui t'empêche de jeûner par la suite. Comme par exemple, une maladie ou autre. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. De même que si tu t'empresses de faire le rattrapage, peut-être que tu pourras alors jeûner, après le mois de Ramadan, les 6 jours de Shawwal qui sont recommandés. Mais si la personne retarde jusqu'à l'arrivée du Ramadan suivant, et qu'elle a une excuse pour ce retard, comme le fait que son excuse est continuée, comme c'est le cas par exemple d'une femme qui a eu la suite, la grossesse, puis l'accouchement, puis l'allaitement. Donc son excuse, elle a continué. Alors elle devra le rattraper après le Ramadan suivant, et rien d'autre que le rattrapage ne lui incombe, car elle avait une excuse en cela. Mais si quelqu'un l'a retardé jusqu'à l'arrivée du Ramadan suivant, par exemple, là, une personne a retardé le rattrapage du jeûne de l'année dernière et entre ce mois de Ramadan, alors qu'elle ne l'a toujours pas rattrapé, sans excuse valable, mais par simple négligence. Alors dans ce cas, en plus du rattrapage, elle devra nourrir un pauvre pour chaque jour qu'elle a retardé sans excuse. Également, parmi les choses à savoir au sujet du rattrapage, il y a le fait que ce n'est pas une condition que les jours de rattrapage soient consécutifs. Mais ils peuvent être rattrapés de manière consécutive ou non. Et ce, d'après la généralité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ». Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Un nombre égal. Il n'a donc pas exigé que ces jours soient accomplis consécutivement. Et si cela était une condition, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait ordonné dans ce verset. Et si la personne a une excuse qui perdure, par exemple une maladie, et qu'elle meurt avant de pouvoir rattraper ses jours manqués, alors dans ce cas, rien ne lui incombe et elle est affranchie de ce jeûne. C'est-à-dire que la personne est morte avant que l'excuse lui permettant de rompre ne soit dissipée. Dans ce cas-là, rien ne lui incombe. Il n'est pas demandé ni de compenser pour ses jours manqués, ni de rattraper ses jours manqués. Mais si son excuse n'a pas perduré, il était malade pendant le mois de Ramadan, puis il a guéri, il a retardé le rattrapage, puis il est mort avant de pouvoir s'en acquitter. Alors il incombe à ses héritiers de rattraper ses jours pour lui, D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque meurt alors qu'il lui incombe un jeûne, son héritier doit jeûner pour lui. C'est-à-dire qu'un de ses héritiers, un de ses proches, rattrapera ses jours manqués pour lui. Et s'il a de nombreux jours à rattraper, par exemple un mois complet, il a alors permis qu'un groupe de gens en accomplisse chacun une partie. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, al-Hasan, c'est-à-dire al-Basri, a dit, si 30 personnes jeûnent un jour pour lui, cela est permis. Et s'il n'a pas d'héritier, ni de proche, ou que personne parmi eux ne souhaite jeûner pour lui, alors on prendra de ses biens la compensation et on nourrira un pauvre pour chaque jour manqué. Ceci était donc quelques questions liées aux conditions du jeûne, ainsi qu'aux excuses permettant de rompre et à la manière de rattraper. Et on verra dans l'assise de demain, Inch'Allah ta'ala, les annulatifs du jeûne. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.